sous quelques sourires immondes, tendus sur des mous écœurants. Que suis-je prêt encore à voler à ma mauvaise foi? Je te supplie de te rendre à la nausée, de l'anéantir, de la gâcher, en me gardant près de toi. À la rengaine des jours pénibles, où d'autres voient que la tienne vienne saouler mes rêves qui y deviennent flous. Mes pensées de toi, mes pensées que de coups d'épée dans l'eau. Je sais que je n'ai plus rien maintenant. Les sourires courent. Mes sourires courent. Mes sourires courent.